10h sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. L'émission Les Nouveaux Horizons, David Christoffel reçoit aujourd'hui Mathieu Caillez. Écoutez-moi seulement, je vais vous chanter l'air sans aucun agrément. Je le crois. Ce sera tout simplement. À vous dirai-je. C'est charmant. C'est charmant. Non vraiment, c'est très bien. Non vraiment, c'est charmant, parfait. C'est charmant. Il faut chanter plus simplement. Pour vous mettre d'accord d'un accommodement, vous allez chanter d'abord tout simplement. Moi, je me chargerai de l'accompagnement. Je broderai sur l'air, chacun sera content. Vous broderez avec ce petit instrument. Thank you. C'était Maddy Mesplé avec l'orchestre lyrique de la radio-télévision française dirigé par Eugène Bigot dans cet air de Caroline, « À vous dirai-je maman », cet extrait du premier acte du Torédor d'Adolphe Adam. Bonjour Mathieu Caillez. Bonjour David Christoffel. Vous avez fait une thèse sur le comique dans l'opéra en pointant spécifiquement l'usage des onomatopées et à quoi servent les onomatopées à l'opéra. En effet, je me suis rendu compte en comparant les ouvrages allemands, français et italiens composé dans la première moitié du 19e siècle, que je retrouvais souvent ce procédé d'un ouvrage à l'autre. Et alors ça sert à quoi de faire des onomatopées aux personnages d'opéra ? Ça sert à faire rire, et ceci à travers le différents procédés. Il y a l'idée d'Henri Bergson, le philosophe, selon lequel la musique serait liée aux mécaniques, à l'idée de mécanique, et les onomatopées, c'est une façon en effet de rendre raide le corps humain par la répétition, par ce côté saccadé, automatique, l'idée d'une machine musicale. Ça veut dire qu'un personnage d'opéra qui fait des onomatopées devient un peu comme une marionnette. En effet. Il devient mécanique, il devient... c'est ça. Vous avez notamment l'idée de marionnette, vous avez une... Kleist, un écrivain allemand, qui a écrit à ce sujet sur le théâtre de marionnettes à la même période, et les idées qu'il développe sont tout à fait... correspond tout à fait à Bergson, à savoir le rire lié à l'automatisme. Cependant, on trouve quand même quelques occurrences de chants qui s'onomatopéisent, on pourrait presque dire, dans l'opéra classique, donc avant le 19e siècle. Si on prend l'exemple de la flûte enchantée, le duo Papageno-Papagena a des pa-pa-pa à répétition qui sonnent comme des onomatopées. Tout à fait, ce n'est pas une création du début du 19e siècle, on le trouve déjà tout à fait au 18e siècle. Et c'est peut-être à partir de Rossini que ce procédé va être développé jusqu'à un certain paroxysme. Par exemple, la répétition de si ou de no, si, si, si, si, si, no, no, no, no, no, est quelque chose de tout à fait propre au genre de l'opéra bouffa en Italie, qu'utilisent les prédécesseurs de Rossini, comme Cimarosa ou Paisiello. Mais Rossini va pousser ce procédé jusqu'à comment dire, va l'exagérer. On viendra sur Rossini tout à l'heure, mais pour rester avec Mozart, il le fait à quelle occasion d'utiliser des onomatopées ? Il le fait notamment lorsque Papageno rencontre Monostatos, et les deux sont étonnés de se retrouver, et ont peur l'un de l'autre, sont effrayés l'un de l'autre, et on entend des hou à la fin. De ce duo. Donc là, ce n'est pas des onomatopées spécialement comiques, en définitive. La peur est également un procédé très utilisé pour exprimer le comique à l'opéra. Ah oui. On retrouve également au 19e. Donc c'est des personnages qui sont apeurés pour être drôles. Tout à fait. D'accord. Et l'effet de surprise est donc pas au même endroit pour le personnage que pour le spectateur. En effet. Donc ça suppose une sorte de dédoublement de la surprise ou quelque chose comme ça. Allez savoir. On va écouter l'air de Papageno et de Papagena, extrait de la flûte enchantée. « Bist du mir nun ganz gegeben? Ja, bin ich dir ganz gegeben. Nur so sei mein liebes Weibchen. Nur so sei mein Herzensleibchen. Mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein? Ich will Freude in das Haus. Wenn die Götter uns bewenken. Wenn die Götter uns bewenken. Unsere liebe Kinder schenken. Unsere liebe Kinder schenken. So liebe kleine Kinderlein, Kinderlein. Le Guérinel était Papageno et Marta Ubieta était Papagena avec l'ensemble Mateus dans cette version de la flûte enchantée qui donne des onomatopées dans l'opéra de 1791, la flûte enchantée, et des onomatopées qui donc donnent une espèce de légèreté. Est-ce que ça donne une mécanique pour autant au personnage, Mathieu Caillez? Oui, je pense. Également le fait de répéter la même syllabe, papapapapageno, papapapagena, dans cette raideur des chanteurs qui les transforme en marionnettes ou en automates, participe à cet effet comique, en effet. C'est-à-dire que c'est aussi à la même période qu'on se met à avoir des mimes de mécanique à l'intérieur de la musique, comme quand on pense à l'insymphonie l'horloge de Haydn. C'est exactement au même moment de l'histoire de la musique. On peut déjà le voir au début du 18e, et on va dire qu'à partir de la fin du 18e et au début du 19e, ce procédé est exploité beaucoup plus profondément. Et alors, on trouve ce même type de mécanisme à la même époque chez d'autres compositeurs? Tout à fait. On le trouve notamment chez Distersdorf, un autre compositeur viennois, contemporain de Mozart. Qui fait comment? Qui fait quoi? Qui va répéter en boucle les mêmes syllabes. Et pourquoi? Pour faire comique aussi? En effet. Et alors, Pergolèse aussi utilise ce procédé dans la Serva Padrona, mais différemment. Alors là, on est un demi-siècle avant. Et la Serva Padrona a un rôle qu'on pourrait comparer à celui du Barbier de Séville au 19e, à savoir qu'avec la querelle des bouffons en France, du moins dans notre pays, cette œuvre a eu un écho tout à fait important. Et donc a servi de modèle. Et dans cet ouvrage où il n'y a que trois personnages et deux seulement qui chantent, puisque le troisième personnage est muet, le personnage d'Oberto, le maître du ménage, va répéter des onomatopées comme « si »,« no », »,« essu », »,« edju », »,« et quoi », »,« et là », qu'on retrouvera au 19e, par exemple, chez Rossini, dans l'air de Figaro, du Barbier de Séville. Alors on va écouter les deux à suivre, l'air de Figaro, à la suite de ce Sempre in contrasti, extrait de la Serva Padrona de Pergolèse. La web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo, la radio parfaite. Sempre in contrasti, tante si sta, tante si sta, e qua e là, e su e giù, e sì e no, a questo pasti, pasti, pasti, finisci qua, finisci qua. che ti pare, eh? Voglio crepare, signor mio no. Voglio crepare, signor mio no. Sempre, sempre, sempre contrasti, con te si sta, con te si sta. E qua, e là, e su, e giù, con questo basti, di lì si può, e sì, e no, e no. E sì, e qua, e là, e su, e giù, e sì, e no, e no, e sì, e no, con questo basti, basti, basti. Fine si può, fine si può, fine si può. Ma che ti pare, eh? Ma che ti pare, eh? Vuoi altri pare, signor mio no? Vuoi altri pare, signor mio no? Signor mio no? Signor mio no. Però potrai pur sempre piangere la tua disgrazia e allor dirai elementista, elementista, elementista. Mi dici tu? Non è così, eh? E no, sì, ma così è, ma così è, ma così è. Sempre contrasti, con te si sta, con te si sta, e qua e là, e su e giù, e sì e no. Con questo pasti, pasti, pasti, finir si può, finir si può, finir si può. Ma che ti pare, eh? Ma che ti pare, eh? Voglio crepare, signor mio no. Voglio crepare, signor mio no. Sempre, sempre, sempre contrasti, con te si sta, con te si sta. E qua, e là, e su, e giù, per questo basti, fine si può, fine si può, e sì, e no, e no, e sì, e qua, e là, e su, e giù, e sì, e no, e sì, e no, per questo basti, basti, basti, fine si può, fine si può, fine si può. Ma che ti pare, eh? Ma che ti pare, eh? Voglio altri pare, signor mio no. Voglio altri pare, signor mio no. Signor mio no. Signor mio no. Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo, la radio parfaite. di chi lo sta, mille cuccagni per un barbiere, mica più piove e non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasere i petti, lanciate forti al mio comando, tutto qui sta. Rasere i petti, lanciate forti al mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa, voi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, e con la donnetta, la la la la la la la la, col cavaliere, la la la la la la la la la la la la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e non le ragazzi, vecchie fanciulle, e qua la marocca, questa la barba, qua la sanguigna, resti mi lievo, mi chiedono, tutti mi vogliono, mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la fanciulla, questa la barba, resti mi lievo. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. Oimè, che furia, ahimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Ehi, Figaro! Su qua! Ehi, Figaro! Su qua! Qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, quanto fattissime sono le tombe, ne sono attaccate, la recita, la recita, la recita, la recita, la recita. Ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Sarà il peccatum della città, sarà il peccatum della città, della città, della città, della città. La version Pavarotti de l'air de Figaro de Rossini. Mathieu Caillez, on évoque comme ça les onomatopées qu'on peut trouver dans les opéras, notamment au début du 19e siècle. On a vu que le procédé pouvait s'étendre sur plusieurs générations, puisqu'on le trouve dans Pergolèse et à l'instant dans Rossini. On a l'impression que, au-delà du comique, c'est aussi représentant d'une mécanique qui s'emballe, un peu comme si le chanteur ne voyait plus ses pensées ou ne maîtrisait plus le cours de ses émotions. Ça, c'est tout à fait propre au style de Rossini. Rossini se moque entre guillemets dans ces passages-là du texte, même s'il avait un intérêt qui est supérieur à ce qu'on pense souvent pour les livrets. Dans ces passages-là, il transforme le chanteur en une marionnette musicale, ce qu'exploitent très souvent les metteurs en scène. Les metteurs en scène, quand ils mettent en scène la Cenerentola, le Barbier de Séville, l'Italienne à Alger, etc. On les voit chanter avec des mouvements saccadés. Et le fait de répéter en boucle la même parole, la même onomatopée, le même mot d'une seule syllabe, contribue à cet esprit de machine musicale. Là, il s'agit d'un air solo, mais on peut trouver tout à fait le même procédé dans des ensembles. Et l'exemple le plus célèbre à cet égard, c'est le final du premier acte de l'Italienne à Alger, où on retrouve plusieurs personnages, chacun avec sa propre onomatopée, dans une sorte de délire collectif, répété en boucle des onomatopées différentes. On a une sorte de polyphonie d'onomatopées. Alors là, pour le coup, c'est une espèce d'apothéose pour vous, chercheurs, qui traquez tous les onomatopées dans les partitions d'opéra. En effet, c'est peut-être l'exemple le plus célèbre et le plus convaincant de ce procédé. D'ailleurs, Rossini ne reviendra jamais, ni avant ni après la Il le refera Alger, pas, oui. Jusqu'à ce point-là, non. Dans les œuvres postérieures, le Barbier de Séville est plus célèbre que l'Italienne à Alger, a aussi un livret qui, d'un point de vue littéraire, est beaucoup plus, avec Beaumarchais, beaucoup plus solide. On a également la Cazzaladra après l'Italienne à Alger, mais des œuvres qui, dans le délire musical, n'iront pas aussi loin que l'Italienne à Alger. Alors voici donc le final de l'acte 1 de l'Italienne à Alger. Questi costui barbari io vi farò cangiare, io vi farò cangiare. Ma questa non è cosa. Resti con lui, mio schiavo. Ma questo non può star. Andate dunque il diavolo, andate dunque il diavolo, voi non sapete amar. Oh no, ma ascolta, ma che da di, costei mi fai passar, costei mi fai passar, costei mi fai passar. Dans la version dirigée par James Levine en 1983 au Metropolitan Opera, c'était le final du premier acte de l'Italienne à Alger. On a comme ça un empilement des onomatopées. Oui, et ce qui est remarquable chez Rossini, c'est que dès son premier ouvrage, en 1810, dans la Cambiale di Matrimonio, on trouve déjà le procédé de la répétition d'onomatopées ou de mots repris en boucle, notamment dans le duo entre les deux basse-bouffes, Tobia Mill et Slook. Dans le duo intitulé « Dite presto do Vesta », on a comme ceci la superposition de 17 « si »,« si, si, si, si, si, si, si, si » de Tobia Mill à intervalle de tierce avec 22 « no, no, no, no, no, no, no » de Slook dans un tempo allegro. C'est dans mes recherches peut-être l'exemple le plus exagéré de ce principe. La répétition de « si » ou de « no » ou de oui ou de non, de ya ou de nein, suivant la langue, on la retrouve dans des dizaines d'ouvrages, mais une répétition aussi importante numériquement, c'est peut-être dans le premier opéra de Rossini qu'on la trouve. D'accord, donc en fait, le record de nombre de voix qui font des onomatopées se trouve dans le final de l'acte 1 de l'Italienne à Alger qu'on vient d'entendre, et le record de nombre de syllabes répétées se trouve là pour le coup très tôt, dès 1810, dans la Cambiale des Matrimoniaux. Vous avez cherché d'autres records comme ça chez d'autres compositeurs, M. Caillé ? C'était pas l'idée de trouver un record, mais c'est disons, en ayant épluché, en ayant dépouillé une centaine d'ouvrages comiques des trois pays à cette période-là, c'est l'exemple le plus frappant à cet égard que j'ai trouvé. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais mais pas encore. Est-ce que l'effet dramatique s'en trouve modifié ? Il y a tellement d'effets à ce moment-là que ce n'est plus seulement pour faire rire, c'est aussi pour se moquer de la situation de l'opéra lui-même. Oui, et puis c'est un procédé seulement parmi d'autres, la répétition d'une syllabe. Parce que est-ce qu'un opéra dans lequel on répète autant de si et de no est encore un opéra ? Enfin, ça touche aux limites du genre, peut-être ? Non, c'est tout à fait compris dans le genre, mais c'est un procédé parmi d'autres, puisqu'il s'agit de deux basse-bouffes qui, par principe, représentent le personnage le plus bouffon, le plus comique, le plus grotesque de l'opéra bouffa, un personnage qui est indispensable, qu'on n'a pas, par contre, dans l'opéra comique français, où c'est plutôt le ténor qui a le rôle comique. Et donc la basse-bouffe a de très nombreuses façons, utilise des latis, utilise de nombreux procédés pour faire rire, et les onomatopées ne sont qu'un de ces procédés. Alors voici Bruno Pratico et Bruno de Simone dans ce Dite Presto. Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo, la radio parfaite. Ci sta, ma non si sa, e nemmeno si saprà, e nemmeno si saprà. Ella tutti i requisiti, e non trovi le mancanze, sì, ella tutti i requisiti, ella tutti i requisiti, e non trovi le mancanze. Forse troppo, anzi abbondanze, ma cor mio per me non fa, cor mio per me non fa. Mantenete la parola, mantenete la parola, non si viene con inganni, non si viene con inganni, mantenete la parola, non si viene con inganni, non si viene con inganni. Sono qui a pagarvi i danni, e così si finirà, e così si finirà, e così si finirà. Questo è un procedere d'americano, modificarmela si spera in vano, modificarmela si spera in vano. La fila in ordine, la carta canta, la carta canta. Signor Fema la sposerà, sì, sì, la sposerà, e signor Fema la sposerà, e signor Fema la sposerà. Questo è un procedere da uomo onesto, vi pago il debito e cerco il resto, vi pago il debito e cerco il resto. non sa che vogliono cavarmi gli occhi, cavarmi gli occhi, non me li cavano, non me li cavano, non me li cavano per verità, non me li cavano per verità, non me li cavano per verità, non me li cavano per verità. Non ho questa intenzione. Può darvi una lezione perché impariate ad esser di parola. Oimè, che anche il papà. Spada o pistola. Ecco il guanto. Ecco il guanto. Ecco il guanto. Aspetto. Allora. Vi consiglio di far testamento, di far testamento. Dalla rabbia non vedo, non sento, non vedo, non sento, non vedo, non sento. Ah, ti voglio ammazzare, ti voglio ammazzare. Grazie tante, grazie tante, grazie tante. Mi imbarco fra l'ora. A morte, che bel complimento, che bel complimento. Non si cavano, aspetto, non si cavano, allora, non si cavano, ammazzo, aspetto, allora, aspetto, allora, ammazzo, aspetto, ammazzo, aspetto, ammazzo, aspetto, ammazzo, De la Cambiale di Matrimonio de Rossini, c'était l'air, le duo Dite Presto Oesta par Bruno Pratico et Bruno De Simone. Mathieu Caillet, on a l'impression aussi que s'il répète autant les syllabes, c'est pour laisser la musique tranquille, même s'ils n'ont pas beaucoup de choses à dire. Qu'entendez-vous par laisser la musique tranquille? C'est-à-dire qu'en gros, ils comblent, non? Ça leur permet de chanter, même si ils n'ont pas un texte infini à la hauteur, en longueur, de ce que la musique demande pour pouvoir chanter aussi longtemps. Rossini a eu un succès fantastique au début du XIXe siècle. Et ses critiques, parmi les plus négatifs, lui ont souvent reproché de transformer les chanteurs en instrumentistes. Et on peut voir la répétition de l'onomatopée ou d'autres procédés de répétition comme l'une de ces techniques de transformation du chanteur en instrument. Et donc là, c'est plus une histoire seulement d'effet comique. C'est lié à l'effet comique. C'est toujours l'idée, selon Bergson, le fait de transformer le chanteur en automate, qu'il ait plutôt un débit instrumental ou vocal. Donc c'est de lui conférer cette raideur qui provoque le rire. Vous nous avez apporté un autre extrait de Rossini, d'un opéra qui s'appelle La Cenerentola, un extrait qui s'appelle Miei Rampoli. Pourquoi ? Parce que le personnage principal, toujours une basse bouffe, un personnage indispensable dans le genre de l'opéra bouffa, va répéter d'autres onomatopées. Donc il ne s'agit plus ici du si ou du no, mais du din-don, onomatopée qu'on va entendre 4 fois, et puis du colchichi colchichi qu'on va entendre à 19 reprises, et donc toujours l'idée de transformer le corps en quelque chose de grotesque par ce procédé. Mais c'est pas parce qu'ils sont dans une posture mimétique et qu'ils utilisent des onomatopées pour faire mimétisme que nécessairement ils sont en position grotesque aussi ? Enfin, là, oui, peut-être, mais... Enfin, ma question est de savoir, est-ce que le fait d'imiter par l'onomatopée est toujours comique ? Non, pas forcément. Il y a un contre-exemple, c'est dans les Huguenots de Meyerbeer, où on a le titre d'un ensemble qui s'appelle Pif, Paf, Pouf, donc qui nous aujourd'hui, au XXIe siècle, nous fait penser à une bande dessinée du XXe siècle, donc un anachronisme par rapport à Meyerbeer. Et dans cette œuvre-là, il ne s'agit pas du tout d'un passage comique, mais d'un passage plutôt tragique, puisqu'on est dans la lutte entre protestants et catholiques sur le fond de guerre de religion au XVIe siècle. Et donc, la répétition de l'onomatopée n'a pas toujours une fin comique. Alors écoutons les deux, ce pif paf pouf de Meyerbeer dans les Huguenots, et tout d'abord donc cet extrait de la Cenerentola, Miei Rampoli, Rossini. Miei Rampoli, miei Rampoli femminili. Ripudio, vi ripudio, mi vergogno, un magnifico mio sogno, mi veniste a sconcertar, mi veniste a sconcertar, vi ripudio. Come son mortificate degne figlie d'un barone. Via, silenzio ed attenzione. State il sogno, state il il chiaro. Mi sognai tra il fosco e il chiaro un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle accento accento, sulle spalle accento accento, gli spuntarono le penne, gli spuntarono le penne, ed in aria sciuffalo. Ed in cima campanile con il coro si fermò, ed in cima campanile con il coro si fermò. Si sentiano per di sotto le campane a stindonar, din don, din don, din don, din don. Col cicciucciucciu di botto mi faceste risvegliar, col cicciucciucciu di botto mi faceste risvegliar, col cicciucciucciu di botto mi faceste risvegliar, col cicciucciucciu, col cicciucciucciu, col cicciucciucciu, col cicciucciucciu, col cicciucciucciu, col cicciucciucciu, col cicciucciucciu, col cicciucciucciu, col ma d'un sogno si intralciato, ecco il simbolo è spiegato. Ma d'un sogno si intralciato, ecco il simbolo è spiegato. la campana suona festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi, quel gran volo è mio addio. Resta l'asino di poi, ma quell'asino sono io. Chi vi guarda vede chiaro che il somaro è il genitor, il somaro è il genitor, il somaro è il genitor. Gentilissima regina, lume l'acqua libera, e di nonno una dozzina di nepoti abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Gentilissima regina, l'una e l'altra mi verrà, e di nonno una dozzina di nepoti abbraccerà. Un re piccolo qua, un re bambolo là, un re piccolo qua, un re bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un re piccolo qua, un re bambolo là, un re piccolo qua, un re bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Gentilissima regina, l'una e l'altra vi verrà, e di nonno una dozzina di nepoti abbraccerà, e la gloria mia sarà, e la gloria mia sarà, mia sarà, mia sarà, mia sarà, mia sarà. Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio parfaite. C'est alors au bruit des tambours des cymbales, accompagné du feu des balles, je chantais, je Arme d'enfer. Rapile, fermo, demo, facile, tracile, rapile, fifa, fifa, facile, fifa, fifa, tracile, fifa, fifa, fa, fifa, fifa. Il toro che la mare ne gra sul fame, il toro che il mare ne gra sul fame, no, no, no. Fame, no, no, no, fame, no, no, no, fame, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Marcel Journet, le baryton basse, dans Pif Paf Pof, extrait de l'acte 1 des Huguenots de Giacomo Meyerbeer. Et alors, Mathieu Caillès, vous avez fait votre thèse sur cette question des onomatopées présents dans les opéras comiques du 19e siècle en Italie, en France. Et vous avez aussi co-dirigé un colloque, Rire et sourire dans l'opéra comique en France au 18e et 19e siècle. Colloque qui d'ailleurs fait l'objet d'une parution dans la collection Symétrie Recherche, un ouvrage dirigé par Charlotte Loriot, dans lequel vous évoquez un compositeur français pour le coup, Aubert, qui aussi recourt à ce type de procédé. Oui, Aubert, qui aujourd'hui est connu du grand public essentiellement parce qu'il a donné son nom à une station de RER, de la ligne A à Paris. À côté d'opéra, justement. En effet, était par contre au 19e extrêmement connu, non seulement en France mais à l'étranger. Fra Diavolo d'Aubert, c'est l'opéra comique le plus joué en Allemagne et en Italie jusqu'au début du 20e siècle. Et l'idée dans ce colloque, Rire et sourire dans l'opéra comique, c'était de montrer que, contrairement à l'opéra bouffa italien, l'opéra comique ne porte pas forcément bien son nom. À savoir que l'opéra comique ne fait pas forcément rire. Et la nuance, c'était de dire que l'opéra comique pouvait peut-être se contenter de faire sourire plutôt que rire, avec les basses bouffes de l'opéra bouffa et puis les exemples assez, je pense, convaincants qu'on a pu entendre précédemment. Le spectateur, l'auditeur ne peut que s'esclaffer, notamment avec le final de l'Italienne à Alger. Dans l'opéra comique, le comique sera peut-être plus, je ne sais pas si on peut dire subtil, mais plus délicat, plus réservé. C'est-à-dire que les Français vont mettre dans l'opéra des limites au grotesque. En effet, ils ne vont peut-être pas forcément travailler cet aspect des œuvres autant que peuvent le faire leurs confrères italiens. Et dans Fra Diavolo d'Aubert, donc j'ai fait une étude des procédés du comique utilisés par le compositeur et son librettiste, Eugène Scribe, en découvrant notamment des procédés de parodie musicale, le retour du même thème mais avec le même texte mais dans des contextes différents. Donc avec une idée à chaque fois sous-jacente et différente, le jeu sur les accents du couple anglais notamment, un jeu sur les accents qu'on retrouve de manière générale dans le répertoire comique, qu'il soit musical ou théâtral depuis toujours, mais qui est particulièrement convaincant dans cette œuvre. Et on trouve également, c'est une des idées principales dans ma thèse pour l'explication du comique dans l'opéra comique, la récurrence de rythmes de danse ou de rythmes à caractère de danse, à savoir des numéros qui ne portent pas forcément le nom d'une danse, comme la barcarolle, la valse ou autre, mais quand on étudie la partition, on se rend compte que ce sont bien des rythmes de danse qui portent le numéro. Et quand on regarde attentivement l'ensemble de la partition de Fra Diavolo, on se rend compte que les rythmes de danse occupent plus de 90 voire 95% de la partition. Et d'ailleurs, c'était un procédé très développé au 19e que de transformer les airs ou les ensembles d'opéra, qu'il s'agisse d'opéra français, allemand ou italien, en airs de danse, en contredanse. À une époque où l'enregistrement n'existe pas, l'arrangement de numéros d'œuvres lyriques en airs de danse était particulièrement populaire. Et un nombre considérable de numéros d'œuvres d'Aubert a été ainsi exploité pour faire danser le public parisien ou européen du 19e. Je voulais bien, que l'on trouve vous très aimable et que de loin même fashionable admire aussi votre maintien. Je voulais bien, je voulais bien, mais quand tous les lieux où je passe, en l'enjeignant vous avec audace, un galant un suive vos pas. Je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, je voulais pas, non, non, non, non, non, non, non, non, non, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas. Bien, je voulais bien payer les bijoux et la soie, et pour qu'à la mode on vous voit, par en dépenser tout mon bien. Je voulais bien, je voulais bien, je voulais bien, mais moi suivre votre méthode, mais être un époux à la mode, comme on en voit tant ici-bas. Je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas, je voulais. Non, non, non, non, non, non, non, non, que dame, je voulais pas, non, non, non, non, non, non, non, non, que dame, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas. C'est Jeanne Berblet qui tenait le rôle de Pamela et Rémi Corazza, celui de Milord dans Je voudrais bien, cet extrait du Fra Diavolo de Aubert. Mathieu Caillez, on était en train de voir qu'en France, pour le coup, l'usage d'onomatopées dans l'opéra va venir mettre des nuances dans le grotesque, on peut dire. Oui. Mais en tout cas, les effets dramatiques ne seront pas toujours les mêmes. Non, et puis certes, les compositeurs français exploite le procédé proprement italien que Rossini nous a montré de façon très claire, mais d'une façon peut-être moins frappante. Et d'autres procédés vont permettre de donner à l'opéra comique un caractère peut-être plus qu'on a souvent qualifié de national, à savoir que l'opéra comique, contrairement à l'opéra, était le foyer des compositeurs français au XIXe siècle, tandis que l'opéra était pas monopolisé, mais occupé en grande partie par les œuvres de Meyerbeer, de Rossini, de Donizetti ou avant de Gluck, donc des compositeurs du monde germanique ou italien. L'opéra comique, lui, était plutôt le domaine réservé des compositeurs français. Et les jeunes compositeurs faisaient leurs armes, leurs premières armes, à l'opéra comique avant, éventuellement, de pouvoir être représentés à l'opéra. Et donc, il y a de très nombreuses querelles sur l'idée de dire est-ce que l'opéra comique serait le genre typiquement national, proprement national. Alors que ce serait presque un genre d'étude. Un genre avec lequel on va démarrer la carrière, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est propre à la France, à savoir que les compositeurs italiens eux-mêmes commencent souvent leur carrière par des ouvrages en un acte, des farces, des ouvrages comiques, avant de s'orienter vers des œuvres plus tragiques. À savoir qu'à cette époque-là, le genre tragique est considéré comme plus noble que le genre comique. Et donc on préfère commencer sa carrière avec des œuvres d'un genre considéré comme plus humble, plus bas, entre guillemets, avec moins d'actes, avant peut-être, une fois que le compositeur a fait ses preuves, de se lancer dans des œuvres tragiques avec un nombre plus important d'actes. Vous voulez attirer notre attention sur La Dame Blanche de François-Adrien Boieldieu. Oui, alors on est en 1825, il s'agit de l'œuvre la plus connue de ce compositeur. La même année, nous avons Le Maçon d'Aubert, qui sera l'une des premières œuvres de ce compositeur à avoir un grand succès. Donc on a comme un passage de témoin en 1825, en ajoutant également que dans la Dame Blanche, vous avez l'intervention d'élèves de Boieldieu, dont Adolphe Adam et Théodore Labarre, qui ont participé à la composition de l'ouverture. Boieldieu était pris par le temps, et donc un futur compositeur d'opéra comique très important, Aldan, contribue à ce qui va être considéré comme le prototype, ou du moins l'exemple le plus célèbre de l'opéra comique au XIXe, à savoir que la Dame Blanche va être jouée à peu près 1000 fois en l'espace d'un demi-siècle, simplement à l'opéra comique de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 1820, nous avons au théâtre italien, et puis dans toute l'Europe, le succès incroyable des œuvres de Rossini. Et donc, dans les journaux parisiens, musicaux ou autres, s'ouvre un débat qui va opposer d'un côté la musique française personnifiée par Boieldieu et de l'autre la musique italienne personnifiée par Rossini, mais ce qui ne correspond pas forcément à ce que pensaient les compositeurs eux-mêmes. Adam le dit à plusieurs reprises en parlant de Boieldieu, que Boieldieu avait une très grande admiration pour les œuvres de Rossini et que dans la classe de composition qu'il avait au Conservatoire de Paris, dès qu'un ouvrage de Rossini venait d'être publié... C'est-à-dire toutes les trois semaines. Très souvent, en effet. Il s'empressait de présenter l'œuvre à ses étudiants, dont Adam, et de l'étudier en détail. Alors voici un extrait de La Dame Blanche. Et mais quel est ce bruit, avec Laurent Naouri dans le rôle de Gaston et Annick Massy dans celui d'Anna. Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo, la radio parfaite. Hey, mais quel est ce bruit ? Il est minuit dans ma demeure, qui peut venir à pareille heure? Dans ma demeure, qui peut venir à pareille heure? Quelque malheureux pèlera. Quelque malheureux pèlera. Eh bien, qu'il passe son chemin. Son chemin. Pour lui, je demande grâce. Non, non, non, non, non, qu'il passe son chemin. Vous, qui voulez prendre la place des anciens et de le Seigneur, faites comme eux, si chacun. Il balance, il hésite, il balance. Marc Minkowski à la tête de l'ensemble orchestral de Paris avec Laurent Naouri et Annick Massy dans ce « Eh, mais quel est ce bruit ?» extrait de La Dame Blanche de Boieldieu, Mathieu Caillez. Alors, j'ai expliqué précédemment que Boieldieu avait une très grande admiration pour Rossini et on le trouve notamment dans un final d'acte où il reprend le principe du final rossinien. Mais Rossini, qui était à Paris à cette époque-là, avait également une grande admiration pour Boieldieu et n'a pas hésité à chanter dans des soirées où les deux compositeurs étaient réunis des extraits de La Dame Blanche. Et il s'est même trouvé un moment où les deux compositeurs habitaient le même immeuble parisien. C'est assez amusant de voir que si une querelle était développée par voie de presse pour opposer les deux compositeurs, dans les faits, il n'en était rien, puisqu'ils étaient amis et s'appréciaient de façon tout à fait sympathique. Je voudrais maintenant développer une autre idée, à savoir la circulation des œuvres à travers l'élève de Boieldieu qui est Adolphe Adam. Et comme exemple, je prendrai Le Chalet. Alors c'est assez intéressant, le livret est à la base une œuvre de Goethe, donc peut-être l'écrivain allemand le plus célèbre en dehors des frontières du monde germanique. Et Goethe a essayé à plusieurs reprises de contribuer au développement de l'opéra allemand. Il a regretté toute sa vie de ne pas pouvoir avoir pu collaborer avec Mozart, qui est mort peut-être un peu jeune. Et il a par contre collaboré avec d'autres compositeurs allemands. Et Bethlehi, donc l'œuvre originale qui va donner Le Chalet arrangé par Scribe pour Adam, a été mise en musique préalablement à la fin du XVIIIe par différents compositeurs allemands. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livret va passer les frontières. Donc elle aura beaucoup de succès dans la version française d'Adam et Scribe, mais on aura également une adaptation par Donizetti en italien. Et ce qui est même drôle, c'est que l'œuvre de Donizetti va être jouée en France, en traduction française, et c'est Adam lui-même qui va être chargé d'arranger les récitatifs de Donizetti. Donc de voir que c'est l'arrangeur arrangé, c'est assez amusant de voir cette circulation dans tous les sens entre l'Allemagne, la France et l'Italie d'une même œuvre, d'un même sujet. Alors voici une version un peu historique de 1954 du Chalet. C'est Jules Grasset qui dirige les chœurs et l'orchestre de l'Opéra Comique de Paris. L'extrait de ce Chalet de Adam s'intitule « Malgré moi, je frissonne ». Et de crainte et de peur, c'est quand j'en puis au fond du cœur. Hélas, tout m'abandonne, que l'amitié pardonne. Pardonne un instant de frayeur. Malgré moi, je frissonne, de crainte et de frissonne. Et de crainte et de peur, c'est quand j'en puis au fond du cœur. Hélas, tout m'abandonne, que l'amitié pardonne. Un instant de frayeur, et de crainte et de peur. Extrait du Chalet de Adam, Malgré moi, je frissonne, avec les chœurs et orchestres de l'Opéra Comique de Paris, dirigé par Jules Grasset en 1954. Adam, qui était donc, vous nous disiez, Mathieu Caillez, également un collaborateur de Donizetti pour la diffusion en France des œuvres du compositeur italien. Les deux compositeurs avaient une grande admiration l'un pour l'autre. Et d'une façon ironique, c'est amusant de voir que Hector Berlioz critique Adam pour critiquer indirectement Donizetti. Il critique le fait que Donizetti soit joué sur toutes les scènes parisiennes. Il est joué entre autres au théâtre italien, à l'opéra comique. Et Berlioz, pour critiquer ce succès incroyable des œuvres de Donizetti à Paris, prend une métaphore, enfin une comparaison, et imagine qu'Adam soit joué sur toutes les œuvres, sur tous les théâtres italiens. Que penserait le public italien devant cette inondation d'œuvres d'Adam. Et sachant le peu d'estime qu'avait Berlioz pour les œuvres d'Adam, on comprend indirectement la critique féroce qu'il fait à l'encontre de Nietzsche. Mais on peut se demander si le fait que l'opéra italien soit à ce moment-là si efficace, si abondamment représenté, le fait même que Rossini soit aussi productif, n'est pas justement lié à ces procédés mécaniques qui, d'une certaine façon, aident à faire beaucoup de musique. Alors, on a souvent présenté Rossini comme celui qui a su synthétiser tous les procédés qu'on trouve à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle dans l'opéra italien, et d'avoir su les amener à un degré, on va dire, supérieur, surtout au niveau du rythme, à savoir des tempos échevelés, très rapides, qui posaient des problèmes d'exécution aux instrumentistes de l'époque. Et qui atteint ce point d'instrumentalisation de la mélodie, que ça va être aussi un compositeur que vont reprendre beaucoup les pianistes virtuoses. Chopin, par exemple, fait des variations sur des airs de Rossini. Chopin, comme tous les autres compositeurs, ne peut être qu'influencé par Rossini. Par contre, il sera peut-être plus influencé par Bellini, qui, lui, sera un peu l'exception parmi les compositeurs italiens du Aussi parce que c'est sa génération. C'est sa génération, certes, mais les œuvres de Bellini meurent jeunes. Et donc la fin de la carrière de Bellini correspond à peu près au moment où Rossini cesse de composer, autour de 1830. Et Bellini, c'est peut-être l'un des rares compositeurs italiens de la première moitié du XIXe siècle qui s'est peu ou pas intéressé au genre comique. On retrouvera ça à la fin du XIXe avec Verdi, qui a composé très peu d'œuvres comiques, deux seulement sur... à peu près 25 opéras. C'est la même chose pour Wagner, mais dans le genre allemand. Mais dans l'opéra italien, Bellini est un peu une exception. Tous ses contemporains accordent une place tout à fait importante au genre comique, qu'il s'agisse de l'opéra bouffa, franchement comique, ou du genre intermédiaire qu'est l'opéra semi-seria. Alors on va écouter des variations sur Non più maestà de la Cenerentola de Rossini par Chopin, mais d'abord un extrait de Don Pasquale de Donizetti, Un fuoco insolito. Un fuoco insolito mi si fattoso, ormai resisterne io più non posso, veglio da vecchia, scordo il parlare, mi sento giovine come a vent'anni, dega la fretta di vieni sposina, ecco ti bamboli mezza dozzina, già vedo nascere, già vedo crescere, a me intorno vengo scherzare, vedo già nascere, vengo già crescere, a me intorno vengo scherzare, vedi la fretta di cara sposina, c'è di bamboli mezza dozzina, a me intorno vengo scherzare. Vedi la fretta di cara sposina, c'è di bamboli in mezzo a dozzini, la fame di corno, vengo a scherzar, fame di corno, vengo a scherzar, fame di corno, vengo a scherzar, la fame di corno, vengo a scherzar. Parli al nipotino a fare il cervellino, veda che si guadagna, eccolo appunto. Mandarmi a chiamare, ma volete? Non vo' fare di un sermone, vi domando un minuto d'attenzione. È vero o non è vero che saranno due mesi? Io vo' persi la mano una zitella, nobile, ricca e bella. È vero. Promettendomi per giunta un bell'assegnamento e alla mia morte. Quanto possiedo, è vero, minacciando in caso di rifiuto di serenarmi a torbo di speranza, ammogliarmi se nuovo, è vero, orbene, la sposa che ho persi, Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo, la radio parfaite. Thank you. Elisabeth Mann à la flûte avec Gary Colson au piano dans ses variations en mi majeur sur Non più mesta de la Cenerentola de Rossini de Frédéric Chopin à la suite de l'air de Don Pasquale de Donizetti. Donizetti qui s'intéressait à la question des onomatopées, Mathieu Caillez, il en parlait lui-même clairement. Il en parlait dans sa correspondance. J'ai trouvé deux exemples de... où il exploite même dans un cadre privé ce principe-là de manière littéraire. Dans une lettre à son beau-frère Antonio Vasselli, datée du 17 juillet 1841, Donizetti alterne les mots « si » et « no » auxquels il ajoute les onomatopées « dintirinci » et « dintirinzo » qui en sont directement dérivées, tout en insistant lourdement sur l'accent final « o » que l'on retrouve une dizaine de fois en l'espace de deux phrases. Donc au-delà du sens même de cet extrait, la sonorité est intéressante. Je vous le lis en italien. « Fadunque che Iacovaccio scriva a ricordo soltanto quando te lo dirò, e si e no, e no e si, e zintirinzi e zintirinzo, e fra poco io partirò, e tu non credi no, ed io me ne frego, oh, oh, oh. » Donc là, ce serait presque une parodie même de l'accent français en italien, à savoir que les Français accentuent la dernière syllabe, tandis que en italien, on a plutôt l'accent sur l'avant-dernière syllabe. Mais là, c'est voulu dans cet extrait-là. Et Donizetti même transforme le nom de l'éditeur Ricordi en Ricordo pour pouvoir continuer la rime sur O. Et on retrouve encore un autre exemple d'onomatopée de manière littéraire dans la correspondance de Donizetti, dans une lettre postérieure adressée toujours à Antonio Vasselli et écrite de manière humoristique en latin en 1843. Donizetti écrit « Si, si, ya, ya, oui, oui, boum, boum, boum ». Donc on retrouve la répétition de ceci et de ce « no » en trois langues, en italien, en allemand et en français. C'est tout à fait frappant de voir que Donizetti s'est incorporé ce principe. Elle en a effectivement beaucoup parlé des Italiens et des Français, mais pas encore beaucoup des Allemands, alors qu'on trouve le procédé, y compris chez Wagner. Oui, alors peu souvent, puisque Wagner ne compose n'est pas très que... comique. En effet, et même ses ouvrages comiques ne sont pas forcément de manière importante. Il n'y a que deux ouvrages comiques dans la production de Wagner, qui sont, comme chez Verdi, au début et à la fin de sa carrière. Chez Verdi, on connaît Falstaff. Chez Wagner, on connaît les maîtres chanteurs de Nuremberg, même si c'est un ouvrage qui n'est pas forcément très comique, puisque Wagner avait pensé dans un premier temps le donner comme sous-titre Komische Oper avant de supprimer l'adjectif Komische. Et on retrouve également, au tout début de leur carrière, chez l'un comme chez l'autre, une œuvre comique, mais qui ne donnera donc pas de répétition, puisque les deux compositeurs s'orientent plutôt vers le genre tragique. Vous nous avez apporté un extrait de Das Liebesverbot. Oui, la Défense d'aimer, donc une des premières œuvres de Wagner, qui aura un succès tout à fait limité, mais où l'on retrouve des procédés hérités de l'opéra bouffa, à savoir des airs où l'un des personnages s'apparente à une basse bouffe et des principes de répétition, en effet, l'emploi du staccato, de tempo rapide et d'autres procédés propres à l'opéra bouffa. Ce qui, chez Wagner, est assez surprenant. Alors voici un extrait de Das Liebesverbot. Dieses kleine schönen Auge macht mich wahrlich ganz verwirrt. Jetzt, da ich wohl Fassung brauche, da ich Fassung brauche, weiß ich nicht recht, wie mir wird. Da ich Fassung brauche, weiß ich nicht mehr, wie mir wird. Nur ein Blick von meinem Auge macht den Narren ganz verwirrt. Ja, das mein Leben schickt mich Auge, das mein Leben Ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib, Et dans cette page de Wagner, qu'on ne reconnaît pas forcément si facilement de Wagner, on retrouve ces rythmes de danse dont vous parliez tout à l'heure, Mathieu Caillez, pour décrire cette mécanique dans laquelle l'opéra comique peut se mettre au XIXe siècle. Alors les rythmes de danse ne sont pas exclusifs au genre de français de l'opéra comique. On les trouve également dans l'opéra bouffa italien et puis dans la comische Oper en Allemagne. Et en effet, Wagner l'utilise dans cet ouvrage-là. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Auber meurt, donc on est dans les années 1870, Wagner va raconter ses souvenirs de ses rencontres avec Auber, qui datent de son passage à Paris vers 1840, et insistera sur le fait que, selon lui, l'opéra comique est vraiment caractérisé par la danse. Pour Wagner, c'est péjoratif, à savoir qu'il assimile l'opéra comique à la contredanse, à un genre qui a mauvaise réputation, une idée que partage également l'écrivain allemand francophile Heine, qui lui aussi critiquera férocement la contredanse comme un type de danse qui est réservé à des lieux mal famés de la capitale française. Il y a un autre compositeur allemand qu'on peut citer dans ce grand chapitre sur les onomatopées à l'opéra, c'est Albert Lortzing. Oui, et c'est assez, on va dire, déroutant nouveau pour le public français, encore aujourd'hui, en 2016. Albert Lortzing est un compositeur à peu près inconnu, même dans le milieu de la musicologie française. Quand j'en parle à des collègues, beaucoup d'entre eux ne le connaissent pas ou à peine de nom. Tandis que Lortzing est encore joué assez régulièrement en Allemagne, et jusqu'au milieu du XXe siècle, comptait parmi les 5 compositeurs les plus représentés, toutes origines confondues. Donc Lortzing était représenté comme pouvaient l'être Mozart, Verdi et autres. Il y a le musicologue qui est en poste au conservatoire de Cologne, Arnold Jakobshagen, qui, lors d'un colloque consacré à Verdi et Wagner, tenu à Rennes en 2013 pour le bicentenaire de la naissance des deux compositeurs, a montré par l'emploi de statistiques à quel point le Dorzing était populaire en Allemagne, encore au début du XXe siècle. Alors voici un extrait de Der Wildschütz qui s'appelle ABCD. Oui. Je me permets de le traduire par l'accent. Oui, le jeu sur l'alphabet n'est pas propre à Dorzing. On le trouve également dans un air de Mozart. On le trouve à plusieurs reprises dans les œuvres d'Offenbach. Donc c'est quelque chose qu'on trouve souvent en Allemagne. D'accord. Donc on écoutera le secteur de l'alphabet d'Offenbach à la suite de Der Wildschütz de Dorzing. ABCD, der Junggesellen stammt tut weh. I, F, E, H, sind erst die lieben Jahre wahr. I, G, L, M, N, O, P, na und et mit süßen Wangen, U, S, T, U, V, W. Nachdem ich an mich verlangen, nahet sich des Lebens Winter, kommt man endlich doch dahinter, dass der Mensch nur halb genießt, wenn ganz alleine ist. Darum nehm ich mir ein Weibchen für ein Leben, wie die Täubchen sagt im Stand der Junggesellen und Ballett. X, Y, Z, sagt im Stand der Junggesellen und Ballett. X, Y, Z. Ach, was wird mein Leben sein? Ach, was wird mein Leben sein? Was wird mein Leben freuen? X, Y, Z. Schließen! Für ein Leben wie die Teufel, sagt im Stand der Junggesellen und Ballett. X, Y, Z, sagt im Stand der Junggesellen und Ballett. X, Y, Z. Oh, was wir ach, was wir dein Leben sein, was vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio parfaite. Lyrique de la radio-télévision française dirigée par Jean-Claude Hartmann dans le sextuor de l'alphabet extrait de Madame l'Archiduc de Jacques Offenbach. Auparavant, c'était donc ABCD extrait de Der Wildschütz d'Albert Lortzing par la Staatskapelle de Berlin dirigée par Bernhard Klee. Et alors, Albert Lortzing peut faire penser à un autre compositeur allemand du 19e siècle qui, populaire à l'époque et quasi inconnu aujourd'hui, c'est un certain Cornelius. Peter Cornelius, qui est le neveu d'un peintre allemand du même nom, Peter von Cornelius, assez célèbre outre-Rhin. Alors, Cornelius et Lortzing ne sont pas les seuls compositeurs du genre de la Komische Oper à cette époque-là. On a également Otto Nicolai, avec les Joyeuses Comères de Windsor, ou Flotow, avec Martha, qui est peut-être la seule Komische Oper à avoir un succès international très important. Et pour revenir à Peter Cornelius, son œuvre comique importante est Le Barbier de Bagdad, Der Barbier von Bagdad, créé en 1858 sous la direction de Franz Liszt à Weimar. Et cette œuvre a également un rôle historique important, puisque Franz Liszt, qui était le chef d'orchestre à Weimar depuis plusieurs années, va démissionner à la suite d'une cabale tenue par l'intendant d'Ingolstadt. Donc la création de l'œuvre de Cornelius va, indépendamment de la volonté du compositeur, être exploitée à l'encontre du pianiste et chef d'orchestre Franz Liszt. Et pourquoi l'œuvre de Cornelius est intéressante? Parce que Cornelius lui-même, dans sa correspondance, explique comment il a voulu créer un pendant allemand au Barbier de Séville de Rossini. Donc Barbier de Bagdad, Barbier de Séville, l'allusion est flagrante. Et il utilise une basse-bouffe, qui va être le personnage principal de l'opéra. Comme Figaro chez Rossini, ce sera le barbier qui va avoir le rôle principal chez Cornelius. Et on va avoir un air du barbier, la fin d'un air où Cornelius va réussir la gageure d'employer le débit très rapide, le débit syllabique propre qu'on trouve très souvent dans les ouvrages italiens, mais beaucoup moins dans les ouvrages allemands. Donc le barbier allemand va débiter sur un rythme incroyable toutes les qualités qu'il possède, tous les métiers qu'il maîtrise. Et donc ce qui est plutôt maladroit en allemand va faire rire. D'ailleurs, c'est intéressant, Otto Nicolai, autre compositeur allemand donc, que j'ai cité précédemment, a expliqué combien l'allemand ne se prêtait pas aussi facilement que l'italien au débit rapide propre aux opéras de Rossini. Et donc, Cornelius a montré que c'était possible, au contraire, de réutiliser le même procédé. Et en termes de mécanisation de la présentation de soi, c'est un exemple qui se pose là. Merci beaucoup Mathieu Caillès de votre passage par la Radio Parfaite. Merci David Christoffel. Beginne sogleich deine schon gesehen, nein, hast du deine Pflicht, hast du nicht weiter von der Sterne schwarz, was du das Schwarze siehst, ja, so nicht wahr, lasse das Ende deiner Worte holen, zu vieles Reden ist nicht viel, wenn wir uns nicht so lange lang, nimm dich nicht auf, wenn wir dann gemacht, geh nicht hin, meine Kacke aus, sonst wär wie nicht zur Tür hinaus, lass so gleich als Welt, sonst geh hinaus. Was magst du heute wagen? Doch bleib zu Haus, sonst geht dir's an den Kragen. Nicht will ich Rat von dir und Prophezeiung, dein Werk vollende schnell und weiter nicht, drum kein Geschwätz, sonst ruf ich einen andern. Magiana, o oh Magiana, du mein Alles. O wüsstest du, Verehrter, was ich für ein Gelehrter, du wärst erstaunt darob und sprächest nicht so grab. So hör denn, du Tröpfchen, du ungeschorenes Köpfchen, was ich für ein Papier, und freue dich mit mir, und freue dich mit mir. Bin Akademiker, Doktor und Chemiker, bin Mathematiker und Arithmetiker, bin auch Grammatiker sowie Ästhetiker, feiner Rhetoriker, großer Historiker, Astrolog, Philolog, Physiker, Geolog. Geograf, Chronograf, Topograf, Kosmograf, Linguist und Jurist und Turist und Purist, Maler und Plastiker, Fechter, Gymnastiker, Tänzer und Mimiker, Dichter und Musiker, großer Dramatiker, Epiker, Grammatiker, Famous und Lyriker, Epiker, Lyriker, dabei ein Sokrates und Aristoteles. Bin Dialektiker, Sophist, Eklektiker, Kliniker, Ethiker, Peripathetiker, bin ein athletisches, tieftheoretisches, musterpraktisches, autodidaktisches, in ein Gesamtgenie. Nun sag einmal, du unverschämter Schwätzer, wann endest du und wann beginnest du? Wie du mich verkennest, dass du mich Schwätzer nennest. Ja, meine Brüder, seh ich, dies schwatzte nun aus dir. Doch ich, der Jüngste, der